Tu coro ha ignatio na pamalu marsaki ia storo haki maka holo niho ai horo hasia tinoro niro haki Si pon mai to tu si pare okon na tu tu rare roham maka holongia dok tu au di borginon dok tu au na Cheers.